إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله اتقوا الله واعلموا أن تقلب الحياة بين ربح وخسارة وأنه يسعى الإنسان إلى أن ينأى بنفسه عن الخسارة ويحقق فوزا في شؤون حياته يفرح الإنسان للربح ويزهو ويحزن للخسارة ذلك أن الخسارة مر مذاقها وأليم مآلها بعض الناس إذا لحقت بهم الخسارة خسارة دنيوية شق الجيوب ولطم الخدود ودعوا بدعوى الجاهلية لكن الخسارة الحقيقية ليست خسارة الدنيا ليست خسارة المال والمنصب أو الوظيفة أو التجارة الخسارة الحقيقية هي خسارة الباقية الآجلة ومتاع الدنيا ليس مقياسا للربح والخسارة فكم من رابح في الدنيا وهو خاسر يوم القيامة قال الله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que le changement dans la vie entre le succès et la perte, le succès et l'échec ou la perdition, le fait que l'être humain fasse des efforts pour essayer de se sauver lui-même de la perdition et de l'échec et d'essayer de réaliser un succès dans ses affaires et dans sa vie, l'être humain se réjouit pour le succès. L'être humain se réjouit lorsqu'il réussit dans quelque chose dans cette vie d'ici-bas. Et il s'attriste lorsqu'il a une perte ou un échec. Et parce que, bien entendu, l'échec, c'est quelque chose d'amer. C'est quelque chose de douloureux. Et lorsque quelqu'un est frappé par une perte ou par un échec dans cette dunya, certains d'entre les hommes vont déchirer leurs vêtements, vont se frapper les joues et vont faire des appels parmi les appels que faisaient les gens de la Jahiliya avant l'islam lorsqu'ils ont ce genre d'échec, ce genre de malheur dans leur vie. Mais la vraie perte et le vrai échec et la vraie perdition, la réelle perdition, ce n'est pas de perdre ou d'échouer dans cette vie d'ici-bas. Ce n'est pas de perdre de l'argent ou de perdre son poste ou de perdre un statut ou de perdre de l'argent dans le commerce. La réelle perdition, le réel échec dans la vie, c'est de perdre l'au-delà, de perdre la vie de l'au-delà, le paradis qui nous attend après la mort si on a respecté les conditions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on l'a adoré comme il mérite d'être adoré. Voilà la vraie perdition. Et donc, les biens de la vie d'ici-bas, l'argent, la richesse, les maisons, les voitures, le poste, ou la famille, ou les enfants, tout ça ne représente pas la réelle signification du succès dans la vie et de la réussite de l'homme, mais plutôt c'est lorsque la personne a réalisé et réussi sa vie, lorsqu'il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et donc on ne doit pas prendre comme référence le succès des hommes dans la vie d'ici-bas pour établir ce qui est une réussite ou un échec dans la vie. Combien de gens ont réussi leur vie selon les critères de ce que les hommes ont établi dans la vie d'ici-bas, et puis en réalité au jour de la résurrection ils seront parmi les perdants. Hein? Des hommes ont des belles voitures, des bons travails, des belles maisons, hein? Un bon poste, des gros diplômes, et ils s'imaginent que c'est ça le vrai succès. Mais pour obtenir ça, parfois ils ont négligé tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ordonné comme obligation, et ne se sont pas abstenus d'aucune interdiction de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur avait interdit, et ils s'imaginent avoir eu le succès dans cette vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes les perdants sont ceux qui se sont perdus eux-mêmes ainsi que leur famille au jour de la résurrection. Voilà certes la perte évidente, hein? C'est ça la vraie perte. الربح والخسارة في ميزان العقلاء ربح الإيمان والفوز بالآخرة والإنسان خاسر أبدا خسارة عمره ومآله مهما جمع وحوى وحاز واستولى والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم استثنى سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بعمل الصالحات وتجملوا بالصبر والتزموا طريق الحق هم الفائزون وأعظم الخسارة خسارة الدين كل خسارة في هذه الدنيا تهون إلا خسارة الدين لأن المصيبة في الدين توجب لصاحبها الهلاك في الآخرة خسارة الدين بانحراف شبهة أو شهوة أو تضييع أركانه وتمييع أحكامه أو يسخره لخدمة دنياه وبلوغ مصالحه لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويدعو ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ومن ضيع العمل وأهمل في تحصيله خف يوم القيامة يوم العرض خف ميزانه يوم القيامة ونقصت أعماله فترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات ويغدو من الخاسرين قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Serviteur d'Allah, sachez que le succès et la perte, le profit et l'échec ou la faillite, dans la balance des gens qui sont intelligents, c'est le succès de la foi, le succès et la réussite dans l'au-delà. Et certes, l'être humain est perdant lorsqu'il a perdu sa vie dans cette vie d'ici-bas, peu importe ce qu'il a réuni comme argent, peu importe qu'est-ce qu'il a réussi à obtenir comme bien, s'il n'a pas sauvé son âme et sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Asr, par le temps, certes, l'homme est en perdition, l'homme est en perte. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par la suite l'exception parmi les hommes, ceux qui ne sont pas en perdition parmi eux. Et il dit, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres et qui se sont encouragés mutuellement dans la vérité et qui se sont encouragés mutuellement dans la patience et dans l'endurance. Donc ceux qui ont cru et qui ont réalisé la réalité de la signification de la foi en faisant des bonnes œuvres et qui ont embelli leurs bonnes œuvres par la patience et par l'endurance et qui sont restés fermes sur la vérité, ceux-là sont ceux qui ont le succès. Et la plus grande perte est la perte dans la religion. Toute perte que tu peux avoir dans cette vie d'ici-bas, même si quelqu'un a tout perdu, son argent, sa maison, ses biens, hein, et qu'il a même perdu peut-être son corps, peut-être qu'il a eu un accident, il est paralysé, hein, ou bien il perd tout ce qu'il a dans cette vie d'ici-bas, ça ne représente rien en réalité. Ça ne représente rien en réalité par rapport à la perte que quelqu'un peut avoir dans sa religion. Parce que le malheur dans la religion, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que la personne soit perdue dans l'au-delà et qu'il a la perdition dans sa religion à cause d'une ambiguïté, hein, dans laquelle il est tombé, soit une bid'a ou un égarement ou des fausses arguments qui l'ont fait tomber dans le doute dans sa religion, ou bien à cause d'une passion qu'il a suivie, à cause de ses désirs, hein, il est tombé dans les désirs et dans les péchés, ou bien en laissant tomber certains des piliers et des règles de la religion, et il se met au service de sa dunya comme s'il avait été créé uniquement pour la dunya et pour vivre dans cette vie d'ici-bas, et comme s'il n'allait pas être ressuscité. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'invocation et il disait: « Oh Allah, ne mets pas notre malheur dans notre religion. » C'est-à-dire, ne fais pas en sorte que si on a un malheur, ce soit un malheur qui touche notre religion. Si c'est un malheur qu'on a, hein, c'est le moindre, c'est que ce soit... Yani le moindre mal, ce soit que ce soit un malheur dans les affaires de la vie d'ici-bas. Mais si c'est un malheur qui nous touche dans notre foi et dans notre religion, alors ça c'est le plus grand de tous les malheurs. Et celui donc qui a abandonné l'œuvre et les actions qu'il doit faire, au jour de la résurrection, sa balance sera légère. La balance de ses bonnes œuvres sera légère et ses actions seront peu. Et celui dont la balance, le côté où on mettra dans la balance ses bonnes œuvres sera léger et que ses bonnes actions seront lourdes, ses péchés seront plus lourds que ses bonnes actions, eh bien, celui-là fera partie de ceux qui sont les perdants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran lorsqu'il dit ce qui signifie quiconque aura une balance lourde. Cela, c'est-à-dire lourd en bonne action, ceux-là seront parmi ceux qui ont le succès. Tandis que ceux dont la balance, le côté des bonnes actions sera léger, alors ceux-là seront parmi ceux qui ont perdu leur personne, se sont perdus eux-mêmes, parce que yani, ils faisaient de l'injustice envers nos versets, envers nos signes. وَلَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ وَحَوَّى قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَمَنْ فَقَدَ مَغْفِرَةَ اللَّهِ وَعَفْوَهُ وَرَحْمَتَهُ وَقُرْبَهُ فَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمِنْ سِمَاتِ الْخَاسِرِينَ خَلْفُ الْوَعْدِ ونقض العهد وإبطال الميثاق والإفساد في الأرض ببث الشبهات وإثارة الشهوات ورعايتها. قال الله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. طاعة الكافرين وموالاتهم علامة الخسران. والقرآن يحذرنا من سوء العاقبة والمآل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a fait descendre notre père Adam et sa femme Hawa, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet qu'ils ont dit: « Ô notre Seigneur, nous nous sommes faits tous les deux du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. » Donc celui qui a perdu le pardon d'Allah et son pardon et sa miséricorde et la proximité qu'il a de lui, celui qui a perdu ça, alors il fait partie des perdants. Et parmi les signes des perdants ou de ceux qui sont dans la perdition, il y a le fait de manquer à sa promesse, de briser son engagement, de détruire son pacte, hein, et de corrompre, de faire la corruption sur la terre en répandant des ambiguïtés et des doutes, ou en faisant, hein, en propageant des passions et des désirs. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie ceux qui brisent l'entente d'Allah après l'avoir établie, et qui coupe les liens de ce que Allah a ordonné de réunir ou de rattacher et qui font le désordre sur la terre, ceux-là sont les perdants. De même que l'obéissance aux mécréants, aux non-croyants, et de les prendre pour alliés et de les aimer à cause de leur mécréance, ça c'est le signe de la perdition. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le danger de la mauvaise conclusion de la personne qui agit ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru ». Si vous obéissez à un groupe d'entre ceux qui ont mécru, ou si vous obéissez aux mécréants, ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager, et en sa révélation, ils vont vous ramener sur vos pas et ils vont vous faire retourner à la perdition. Et parmi les signes des perdants, وَمِنْ سِمَاتِ الْخَاسِرِينَ أَنَّ عِبَادَتَهُمْ تَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يَحْمَدُهُ إِلَّا فِي حَالِ الرَّخَاءِ وَإِذَا حَلَّتْ الدُّنْيَا بِدَارِهِ عبد ربه وأطاعه فإذا رحلت الدنيا عن حياته انقلب على وجهه يتمسك بالعبادة حال النعمة ويصد عنها حال الضرة خسر الدنيا والآخرة قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء رواه البخاري. Serviteurs d'Allah, sachez que parmi les signes des perdants et ceux qui sont dans la perdition, il y a que pour eux, la religion tourne autour de leur intérêt personnel uniquement. S'ils trouvent quelque chose de leur intérêt personnel dans la religion, ils sont satisfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Parmi les hommes, il y en a qui adorent Allah à la limite. Et s'ils sont touchés par un bien, ils en sont tranquillisés, ils sont en paix. Mais s'ils sont touchés par un malheur ou une fitna, une épreuve, ils retournent. Ils retournent en arrière, ils retournent sur leur visage. Et ils ont perdu la vie d'ici-bas et l'au-delà à cause de ça. Et ça, c'est la vraie perdition, la perdition évidente. Et parmi les hommes, il y en a qui n'adorent Allah et qui ne font son éloge que lorsque ils ont de la tranquillité et de l'aisance dans leur vie. Puis lorsqu'il y a un malheur, ils laissent tomber l'adoration et ils s'écartent. Approchez-vous un peu, approchez-vous pour laisser l'espace à ceux qui rentrent après vous. Et lorsque la vie est difficile pour lui et qu'il a des épreuves, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui agit ainsi, il a perdu la dunya et l'au-delà. Et Abdullah ibn Abbas, il a dit, il y avait un homme qui venait à Médine, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand sa femme avait accouché d'un enfant, ou que son cheval avait, son cheval a, il a eu une jument qui a accouché, il dit, ça c'est une bonne religion. Parce qu'il reçoit quelque chose de bien dans la dunya, il est content. Mais quand il n'a pas ce qu'il veut, ou que sa femme n'a pas accouché, ou que sa jument n'a pas eu de progéniture ou d'enfant, il dit ça c'est une mauvaise religion. Rawahu al-Bukhari. Wa min al-khusrani ma dhakarahu al-Qur'an fi muhkam al-tanzil. Ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون فمن ألهته أمواله وشغله أولاده وضيع بسبب ذلك العبادة والطاعة ظنا منه أن ذلك سبيل الربح فهو واهم مغرور يخيل إليه أن هذا سبيل المتاع والأمن والنعمة وما علم المسكين أنه لطريق الخسارة السالك نعم دونك سلوكي Celui qui se laisse distraire par la vie d'ici-bas, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran, ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, ne vous laissez pas distraire par vos enfants, par vos biens, par vos richesses, par vos enfants, et ne vous laissez, ne laissez pas ces choses-là vous détourner, vous distraire du rappel d'Allah. Et celui qui agit ainsi, c'est-à-dire qui se laisse distraire par ces choses-là, par rapport à la vie d'ici, aux choses de la vie d'ici-bas, ceux-là sont les perdants. Donc celui qui se laisse distraire par ses biens, se laisse distraire par ses enfants, et que cela l'amène à négliger son adoration, à négliger ses obligations envers Allah, et à abandonner l'adoration et l'obéissance d'Allah, en pensant que ça c'est le chemin vers le succès et vers la réussite, alors celui-là, il est dans l'illusion totale, il s'est trompé. Et il marche en réalité vers le chemin de la perdition. وَمَنْ قَتَلَ أَخَاهُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا فَهُوَ خَاسِرٌ وَإِنْ عَاشَ مُنَعَّمًا مُسْتَمْتِعًا بِنِعَمِ الدُّنْيَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَمَنْ اتَّخَذَ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا يُحَكِّمُهُ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمَآلِهِ وَمَالِهِ فَهُوَ خَاسِرٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا والأنبياء والمصلحون يبصرون مواطن الخسارة ويحذرون ويحذرونها ويحذرون منها وأبرزها المعصية التي تفضي إلى زيادة تخسير قال الله على لسان هود عليه السلام قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. نعم. Également parmi les signes de la personne qui est en perdition, c'est celui qui a tué son frère par injustice. Alors celui-là fait partie des perdants, même si dans sa vie il vit dans le bien, dans cette vie d'ici-bas. Comme l'exemple, il y en a de Caïn et Abel lorsque Caïn a tué son frère. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie que il a tué son frère et il est devenu parmi les perdants à cause de ça. Également celui qui prend comme allié le shaytan et qui le laisse décider dans toutes ses affaires de sa vie, que ce soit durant le jour ou la nuit, dans ses actions, dans ses paroles, dans ses biens et dans tout ce qu'il fait, c'est un perdant également, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie. Et celui qui prend le shaytan comme allié en dehors d'Allah, alors il a certes perdu d'une perdition évidente. Et les prophètes et les messagers et les réformateurs, ils aident les hommes à comprendre et à voir les endroits dans lesquels il y a de la perdition, et ils mettent les hommes en garde contre ces choses-là et ils les avertissent. Et parmi les choses les plus dangereuses de ça, il y a les péchés et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce que ça peut comprendre également, comme shirk, comme bid'a et comme péché, comme désobéissance à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la parole de Hud, il cite la parole de Hud, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce qui signifie, et lorsque Hud dit à son peuple, ô mon peuple, voyez-vous si je suis sur une preuve venant de mon Seigneur, et qu'il m'est venu de lui, ou de sa part, une miséricorde. Alors, qui va venir me défendre contre Allah si je lui désobéis? Vous ne pouvez m'augmenter en rien, excepté qu'en perdition. Rapprochez-vous encore, s'il vous plaît. Rapprochez-vous s'il y a de l'espace devant vous. Rapprochez-vous pour que les frères qui sont derrière vous puissent rentrer et trouver un espace pour prier. وَمِنْ سِمَاتِ الْخَاسِرِينَ الأمن من مكر الله قال الله تعالى فأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومن صور الخسارة وأليم الحسرة إفلاس رصيد الطاعات بعد أن عمل المسلم أعمالا كثيرة في وجوه البر وتزداد الحسرة حين يعجز الرصيد عن القضاء فيكون التسديد بتحمل سيئات العباد فيخرج من الدنيا حزينا على ما قدم من إساءة وهناك لا مجال لتعويض الخسارة وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم ولا متاع له قال إن المفلس من أمتي يوم القيامة يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه أو من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. Parmi les signes de la perdition, il y a le fait de se sentir en sécurité contre les ruses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, est-ce qu'ils se sentent en sécurité contre la ruse d'Allah? Nul ne se sent en sécurité contre les stratagèmes et les ruses d'Allah, excepté le peuple perdant. Et parmi les exemples de perdition et des remords qui vont atteindre ceux qui seront touchés par cet exemple, c'est le fait, après avoir fait de bonnes œuvres et de grandes œuvres et beaucoup de bonnes choses, tu arrives au jour de la résurrection avec toutes tes œuvres et étant donné que tu as fait du mal à d'autres personnes ou de l'injustice à d'autres personnes, eh bien, ils viennent se servir dans tes hasanats. Et ils viennent, si tu n'as pas suffisamment de hasanats pour payer les dettes que tu as envers eux, à cause du mal que tu leur as fait, ils viennent, eux, mettre leur péché dans ta balance. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons, est-ce que vous savez celui qui est al-muflis? Al-muflis, c'est celui qui est en faillite, celui qui a fait faillite en arabe, celui qui n'a plus d'argent, plus de biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le vrai muflis, le vrai, celui qui est en vraie faillite, parmi les gens de ma umma, c'est celui qui va arriver au jour de la résurrection, avec la salat, avec le jeûne, avec la zakat. Mais il a insulté un tel, il a accusé faussement un tel, il a mangé les biens d'un tel, il a fait couler le sang d'un tel, et il a frappé un tel. Et donc, il va donner à celui-là de ses bonnes actions, et à celui-là de ses bonnes actions, et à celui-là de ses bonnes actions. Puis, si toutes ces bonnes actions sont terminées, il n'y en a plus, eh bien, eux vont donner à cette personne de leur péché à eux pour le mettre dans sa balance. Et là, à cause de ça, il sera rempli de péché, il n'aura plus de hasanat, et il sera jeté en enfer. Ça, c'est rapporté par l'imam muslim. وَمَنْ كَذَّبَ بِلِقَاءِ اللَّهِ وَلَمْ يَعْمَلْ لَهُ وَقَصَّرَ أَمَلَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَخَدَعَ نَفْسَهُ فَهُوَ خَاسِرٌ قال الله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله والخسارة التي تبقي العيون وتحزن النفوس موت القلب وقسوته فلا يتأثر بالقرآن ولا تخشع لآياته ولا يستجيب للمواعظ لهم قلوب لا يفقهون بها ومن الخسارة هجر القرآن وهجر تلاوته قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ومن الخسارة تضيع الصلوات وتأخيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة كأنما وتر أهله وماله والنوم عن صلاة الفجر وأداؤها بعد حر الشمس خسارة وتفويت للفوز العظيم والربح الكبير وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه صلى الله عليه وسلم. Serviteurs d'Allah, également, sachez que parmi les exemples de la perdition qui fait pleurer les yeux et qui attriste les âmes, il y a en cela l'exemple de la mort du cœur. Parfois, quelqu'un peut être vivant, il marche, il respire, mais son cœur est mort parce qu'il ne ressent plus rien. Il ne ressent plus rien dans son cœur par rapport à la foi, par rapport aux interdictions, par rapport aux avertissements d'Allah. Et donc, il n'a pas de crainte dans le cœur et il ne répond pas aux exhortations. Comme Allah mentionne dans le Coran, ce qui signifie ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent rien avec. Et parmi les exemples de perdition, le fait d'abandonner ou de s'écarter du Coran et de ne jamais le lire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran ce qui signifie, et le messager dit, « Oh mon Seigneur, mon peuple ont certes pris ce Coran comme quelque chose de délaissé. Hein, » ils l'ont délaissé. Et ça fait partie de la perdition. Également parmi les exemples de perdition, d'abandonner les prières ou de les retarder sans excuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui a manqué la salat, c'est comme s'il avait été privé, on lui avait enlevé sa famille et ses biens. » Et la personne qui dort au moment de la prière de Fajr et qu'il a fait après que le soleil s'est levé, celui-là, il a perdu une grande perte. Hein, c'est une grande perte qu'il a eue. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, celui-là, le shaitan a uriné dans ses oreilles. Hein, وضياع الوقت من صور الخسارة والوقت لا يخلفه شيء إذا انقضى لا يرجع ولا يعود والعاقل يتأمل سرعة الانقضاء الأوقات سرعة انقضاء الأوقات ويعرف كم رابح فيها وكم خسر حتى لا يفجأ بالعمر يتهاوى والخسائر تتوالى وقد تلحق الخسارة الأمة جمعة وكأن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا الأمة التي تنحرف عن منهج الله وتخالف أمره وتستحفر فيها الذنوب والمعاصي وتتمرد على هدي الله ورسوله تكون عاقبة أمرها ندما ومحنا وفقرا وجورا وحياة مفزعة لا أمن فيها ولا استقرار وتلك سنة الله قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيرفيتور الله. Également parmi les signes de la perte ou parmi les exemples de perdition, il y a le fait de perdre notre temps et gaspiller notre temps. Une fois que le temps est passé, il ne revient jamais. Donc, utilisez votre temps de façon intelligente et bénéfique. Également parmi les exemples de la perdition, c'est que la perdition peut venir à un individu comme elle peut venir à un peuple en entier. Et c'est lorsque ce peuple s'est écarté des ordres d'Allah et de son ordre et qu'elle a vécu ou qu'elle a suivi les péchés et la désobéissance et qu'elle s'est détournée de la guidance d'Allah et de son messager, eh bien le résultat de ça, c'est les remords et les épreuves et la pauvreté et l'injustice et la vie dans la peur sans aucune sécurité ni stabilité. Et donc ça, c'est la règle d'Allah. Lorsqu'un peuple se détourne de l'ordre d'Allah, voilà qu'il est frappé de ces choses. Et donc, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا صووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mettez-vous en droit, ne laissez pas d'espace entre vous. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.